Jean Ollier, pensée choisie sur le culte de Notre Seigneur, texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 3. Culte de Notre Seigneur dans le très saint sacrement. Jésus souverain prêtre veut glorifier son Père dans le sacrement de l'autel. Notre Seigneur rendait à son Père dans l'éternité une gloire infinie, mais comme cet honneur n'était pas un honneur de religion et de respect, il a emprunté notre humanité pour s'abaisser devant la majesté divine et lui rendre tous les hommages qu'elle pouvait attendre d'une nature sujette et inférieure à la sienne. Les anges, il est vrai, adorent les innombrables perfections de leur Créateur, ils leur rendent des devoirs variés à l'infini, mais toutefois ils ne les honorent pas comme elles le méritent. Seul. La personne de Jésus-Christ rend à son Père tous les devoirs possibles, c'est-à-dire, tous les hommages que peuvent lui offrir les plus pures créatures et bien d'autres encore dont elles sont incapables. Ainsi Jésus est, à vrai dire, le seul religieux de Dieu, le seul à même d'honorer la majesté divine et de l'aimer selon son mérite. Il a un désir inconcevable de porter en tout lieu la connaissance et le respect de son Père bien-aimé, il voudrait se sacrifier sur tous les cœurs, pour honorer son domaine et sa souveraine autorité, s'unir à toutes les âmes, pour verser en elles la plénitude de son amour et de sa religion. C'est avec ces dispositions qu'il nous apparaît dans l'adorable sacrement de nos autels. Il s'y montre comme une hostie consommée à la gloire de Dieu, mais une hostie si avide de se communiquer aux âmes, qu'elle se dilate, s'étend et se multiplie à l'infini. Ses désirs ne seront jamais satisfaits qu'elle n'ait embrasé toute créature du feu de sa charité, et qu'elle ne l'ait transformée en une fournaise ardente d'amour et de louange. Quel bonheur que Jésus, cette hostie de Dieu, daigne venir en nous, s'offrir en nous, et nous faire participer à sa religion. Au paradis admirable, que le cœur du chrétien, où daigne reposer cette adorable victime plus sainte que tout le ciel, plus glorieuse à Dieu que tous les élus ensemble. Ce n'est pas tout, par un prodige inconcevable, il met au cœur des anges et des hommes tout ce qu'ils peuvent rendre d'hommage, d'amour et de devoir. « Mon Père, s'écriait-il par la bouche de son prophète, je publierai vos grandeurs dans toute l'étendue de mon âme, je confesserai votre gloire et votre magnificence, je répandrai mes sentiments dans l'assemblée des justes et dans la société de mes membres. Ainsi tous les cœurs de l'Église du ciel et de la terre, animés de son zèle et de son amour, ne sont que des organes destinés à multiplier ses louanges et à former une sainte et divine harmonie, sous l'action de son seul esprit. Au cœur divin qui comprenait tous les cœurs des anges, centre infini, qui renfermait dans votre étendue toute l'Église du ciel et toute celle de la terre, sainte victime immolée sur nos autels, pour l'amour et pour la gloire de Dieu, quand nous vous tenons dans nos mains, ne pouvons-nous pas dire à votre Père que son nom est sanctifié chaque jour, sur la terre comme au ciel? Vous lui rendez vos devoirs continuellement, sans interruption, sans jamais cesser de l'adorer, de l'aimer, de le glorifier en toute manière possible. Ô Jésus, connaissance infinie des grandeurs de votre Père et de toutes ses bontés, fournaise d'amour, source inépuisable de gratitude et de reconnaissance, victime consommée à sa gloire sur nos autels, rendez-lui l'amour, les adorations et les remerciements dont nous lui sommes redevables, et auxquels nous ne pouvons satisfaire, étant des abîmes de néant et de péché. C'est pour l'amour de vous qu'il regarde avec bienveillance ces pauvres et viles créatures, c'est vous seul qu'il aime en nous, vous seul qu'il y considère. Venez donc, sainte victime, venez nous transformer en vous, faites de vous et de nous une seule hostie, qui se sacrifie éternellement à la gloire de Dieu. Détruisez mon premier être, mon être vicieux, afin que, par vous, je retourne à celui d'où je suis sorti. Jamais je ne serai satisfait, si je ne suis entièrement consommé en lui, je ne puis souffrir en moi quelque chose qui lui déplaise. Détruisez, ô divine hostie, par le feu dont vous brûlez, tout ce qui lui est odieux dans mon âme. Détruisez en moi le vrai corps du péché, comme il a détruit votre corps qui n'en était que l'image et la figure. Pour cela, Seigneur, je me donne en proie à votre feu sacré, afin qu'il me consume. Vous êtes le grand prêtre aussi bien que l'autel de la loi nouvelle, vous venez immoler une hostie de louange, cette hostie c'est vous et tous vos membres. Faites-moi donc brûler dans le feu qui vous dévore, ô divin Jésus, mon aimable tout, je veux travailler uniquement à devenir digne d'être avec vous hostie d'amour à la gloire de votre Père. Jésus victime nous transforme en lui par la communion eucharistique. Notre Seigneur est au Saint-Sacrement une hostie qui prie, loue et adore son Père, une hostie qui s'offre pour satisfaire sa justice et généralement pour lui rendre tous les hommages de la religion. C'est aussi une hostie qui vient s'unir aux âmes, et leur donner, en même temps que sa personne, ses sentiments intérieurs, pour en faire des victimes capables de rendre de semblables hommages à la divine majesté. La communion est en effet le vrai moyen par lequel les chrétiens sont mis à même de rendre leur devoir à Dieu. Notre Seigneur aime, prie, adore et s'offre dans l'âme qui le reçoit, comme sur un nouvel autel et dans un nouveau ciboire. Il lui communique les mouvements de son propre cœur, comme ils vont tous à la gloire de Dieu. Celui qui les accueille dans toute leur étendue, devient parfaitement religieux de la majesté divine. Les dispositions de prière, de pénitence, d'action de grâce et autres, que notre Seigneur lui inspire, et qui le font entrer dans les sentiments d'hostie, lui permettent de satisfaire pleinement à tous ses devoirs envers Dieu. De cette sorte, le divin Sauveur opère en lui une consommation spirituelle, en attendant la consommation corporelle, une consommation en disposition intérieure, en attendant une consommation absolue. Quand celle-ci se réalisera, l'âme sera entièrement revêtue de Jésus et de sa gloire, elle sera toute transformée en lui, tant l'union sera parfaite, tant ce seront les mêmes dons, les mêmes grâces, la même gloire, le même esprit, un même Christ. Confère Colossiens 3:11. Alors aura lieu l'achèvement parfait de la religion chrétienne. Tous les membres de Jésus-Christ honoreront Dieu en lui, comme des hosties consacrées l'honorent par une même substance, qui est celle du Fils caché sous les espèces. Tous les saints dans la gloire seront consommés en lui, comme la même flamme, attachée à plusieurs mèches d'un flambeau, fait qu'elles se consument toutes dans un même feu. Le divin Sauveur commence ici-bas cette merveille, par la Sainte Communion, en faisant de tous les chrétiens une seule hostie à la gloire de Dieu. Si l'on pouvait voir l'intérieur d'une âme qui vient de le recevoir, on l'y apercevrait comme un grain d'or ou une fleur au milieu d'un cristal. Il y loue, bénit et glorifie son Père comme dans un tabernacle animé, et il s'y plaît bien plus que sur un autel ou dans un ciboire d'or. Car, peu satisfait d'avoir honoré son Père pendant sa vie, de lui avoir offert son sacrifice au calvaire, et de continuer à lui rendre ses hommages en sa propre personne, il entre dans les cœurs par la Sainte Eucharistie, et trouve, Dans ce chef-d'œuvre de son amour, le moyen de satisfaire à toute l'étendue de sa religion est d'annoncer partout la gloire de son Père. C'est pour le même dessein qu'il s'établit dans les hommes apostoliques. Tandis que durant sa vie mortelle il n'était qu'en un seul endroit, prêchant un seul peuple, maintenant il est partout, il prêche par tout le monde, et fournit des pensées et des paroles à mille bouches pour faire honorer Dieu. C'est lui qui, dans saint Paul, annonce partout l'évangile. Voulez-vous, dit cet apôtre, avoir expérience de Jésus-Christ qui parle par ma bouche ? 2 Corinthiens 13:3. C'est lui qui gouverne l'Église en saint Pierre, lui qui a soin de sa mère en saint Jean, lui qui donne toute vertu et toute grâce à chacun de ses membres. Jésus époux des âmes au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, j'admirais le sens d'un beau passage d'Osée 2:20, que je n'avais pas entendu jusqu'ici, et dont je recevais en ce moment l'intelligence. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, dit ce prophète. J'ai été comblé de joie, en apprenant que cela se fait dans le Saint-Sacrement, appelé par excellence un mystère de foi. C'est là en effet que le Fils de Dieu ressuscité se donne et s'unit à nous en qualité d'époux, qu'il fait de lui et de nous une seule chose, ce qui n'a pas lieu dans les autres mystères. Comme l'état du mariage, pour être parfait, demande que les époux soient un, non seulement de corps, mais d'esprit, mais d'inclination, mais de sentiments intérieurs, notre Seigneur, en la communion, consomme en lui l'âme qui le reçoit et la revêt de ses sentiments et de sa vie. Il répand si parfaitement en elle ses propres inclinations, qu'elle n'en sent plus d'autres. Cette transformation, il est vrai, ne s'achève que dans le ciel, mais elle ne laisse pas de commencer très efficacement sur la terre, dans la Sainte Eucharistie. Par le baptême et la pénitence, notre Seigneur nous retire de la mort et nous donne la vie. Par la confirmation, il nous donne son esprit, comme un gage et un présent des noces qu'il veut contracter avec nous dans l'Eucharistie. De même qu'on voit les fiancés envoyer à leurs futures épouses des bijoux d'or et d'argent, des bracelets, des pierreries et mille autres semblables inventions, comme autant de gages de leur amour, ainsi Jésus envoie, par avance, son esprit et ses dons, et vient ensuite lui-même dans son sacrement d'amour pour épouser les âmes. Il y apparaît comme le plus beau des enfants des hommes, il vient fiancer les corps et épouser les âmes. Il fiance les corps en leur promettant, par sa visite, de les mettre un jour en possession de sa gloire. Il épouse les âmes, en leur donnant tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Ce n'est pas tout, en venant en nous, il nous unit à la Sainte Trinité tout entière, car celui qui épouse notre âme étant une personne divine, il unit cette âme de la manière la plus étroite aux deux autres personnes. C'est une grâce incomparable, un mystère insondable, qui, pour n'être pas connu comme il devrait l'être, n'est pas vénéré autant qu'il le mérite. Si l'âme concevait ce prodige, elle s'abîmerait et ne pourrait pas vivre. Au mystère incompréhensible, au sacrement inconcevable, aux charités immenses, au excès de l'amour divin, capable de ravir tous les esprits et tous les cœurs épris des grandeurs de Dieu. Le baiser de l'autel exprime le baiser de l'époux et de l'épouse dans le Saint-Sacrement. Le prêtre qui se courbe pour baiser l'autel est l'expression de Jésus-Christ glorieux, qui s'abaisse pour descendre au baiser de l'Église. Toutes ces cérémonies me paraissent admirables. C'est un amour étrange, que l'amour de Jésus en ce mystère. Quel prodige de le voir si puissant, si glorieux et en même temps si anéanti sous les saintes espèces, de le voir en son état de gloire se fondre et se liquéfier dans les âmes, pour en faire ses épouses. Amour de Jésus pour l'âme ainsi épousée. L'amour de Jésus pour l'âme est inexplicable. Les baisers dont parle le cantique, pour intimes qu'ils soient, en sont les moindres témoignages. Il ne veut pas tant l'unir à lui, qu'il voudrait l'appliquer tout entière à lui seul. Il l'attire si violemment qu'il semble vouloir la séparer de son corps. Cela ne se fait pas par la communication de quelques lumières, ou de quelque beauté divine capable de la ravir, mais par la seule action amoureuse de l'époux, qui voudrait l'attirer à lui et la posséder seule, pour la mettre en pleine possession de lui-même. C'est là la plus admirable invention que cet amant incomparable pouvait trouver, pour contenter les désirs de ses chères épouses. Son amour le rend réellement présent aux âmes, et après que les espèces sont corrompues, il demeure encore dans les cœurs par la vertu de sa charité. Oh, que l'amour est inventif! Quelle douce voie pour l'épouse d'entrer en possession de son bien-aimé! Elle voudrait toujours l'avoir à ses côtés, elle voudrait que son âme fût collée à celui qu'elle désire uniquement. Notre Seigneur a prévu ces excès, et pour condescendre à la violence de ses désirs, il se tient présent à ses yeux sur nos autels, plus encore, il entre en elle-même. Si l'épouse de la terre voit son bien-aimé devant elle, elle ne l'a pas à ses côtés, si elle détourne la tête, elle ne l'aperçoit plus, si elle quitte le lieu où il est, elle le perd de vue. Mais Jésus notre amour, je le vois devant mes yeux, et il est à mes côtés, je le laisse en un endroit et je le trouve en un autre, je détourne la tête, et il est devant moi, je le renferme dans mon cœur, et il ne laisse pas de se trouver où il était auparavant, il se multiplie pour multiplier mes joies, et satisfaire à l'amour qu'il me donne. Cet amour est si grand, qu'il faut une invention pareille pour le contenter. C'est une charité de mon Jésus, qu'après avoir blessé une âme, il veuille la soulager. Il sait notre langueur et il nous donne de quoi nous satisfaire. Qui n'aimera ce doux objet? Qui n'aimera un époux si aimable? Hélas, Seigneur, venez en moi, je vous supplie de me consommer en vous. Venez me dévorer et m'unir à vous. Venez, pressez-moi sur votre cœur. Tirez-moi de l'affliction et de la langueur où je me vois réduit par cette pauvre et malheureuse alliance des mon âme avec la chair. Venez, ô Jésus, la dissoudre par votre amour. Venez, Seigneur, et me tirez à vous. Faites-moi goûter ce que vous êtes, afin que je ne sois plus affamé des mets grossiers et pourris de la terre. Faites-moi vivre dans votre vertu, votre lumière et votre amour. Faites en un mot que vous puissiez contenter en moi tous vos désirs. Jésus aliment des âmes dans le Saint-Sacrement. Dieu, caché sous le pain matériel, comme sous un sacrement, entretient par sa puissance la vie grossière qu'il nous a donnée dans la création. Il agit de même à l'égard de l'âme, pour lui conserver la vie divine qu'il lui a communiquée au baptême. Il se sert d'un pain surnaturel, vivifiant, suressentiel. Ce pain est son Fils, dans lequel réside en plénitude l'essence divine. Cette essence est la vie de Dieu, elle est répandue dans les trois adorables personnes, elle s'épanche en elles, elle les nourrit et les vivifie. Comme elle est renfermée tout entière dans le Fils, quand il vient en nous par la Sainte Communion, elle est en nous vivante et vivifiant nos âmes, elle nourrit tout notre intérieur affamé de la vie divine. La vie que vous m'avez donnée, dit Jésus à son Père, je la leur ai donnée. Vous m'avez communiqué votre essence, qui est vie. Il s'est produit en moi un écoulement de votre vie éternelle, qui est ma nourriture. C'est la même grâce que j'accorde à mes enfants. J'ai fait en eux un premier épanchement de ma vie, au jour de leur régénération, je ne cesse point de la conserver par le sacrement de mon corps. Il est leur nourriture et leur aliment, Il est la continuation de cette première effusion de ma vie divine qui s'était opérée en eux par le baptême. Ces paroles de l'Évangile, mon Père est en moi, et je suis en mon Père, Jean 14, 11, et ces autres, vous êtes en moi et je suis en vous, Jean 15, 4, expriment l'admirable habitation du Père où je puise la vie divine, comme Dieu et comme homme. Comme Dieu, je suis en lui et il se verse totalement en moi, parce que ma personne est dans une identité parfaite avec son essence. Comme homme, je suis totalement absorbé en lui, perdu et abîmé en cette fournaise d'amour. J'y suis changé en feu, je ne suis plus moi-même, je reçois la vie de mon Père. Il est tout en moi, par la plénitude de sa divinité, qui réside en mon âme. Or cette plénitude de la divinité, je la porte en vous. Ô chrétiens, ce feu qui s'allume en mon cœur, ce feu qui m'embrase et me consume, ce feu que j'ai puisé dans le sein de Dieu, je l'apporte dans votre cœur, pour qu'il vous dévore. Je suis en vous et vous êtes en moi par la communion de mon corps, qui est en moi et en vous. Ce lien nous unit. Dieu, au rapport de Saint-Denis, se donne lui-même aux anges, comme un pain supersubstantiel. De temps en temps il se fait en eux un épanchement extraordinaire de son essence qui les noie, les perd, les abîme en lui, par un surcroît et un débordement nouveau de la divinité. C'est l'image de la communion sacramentelle, où Dieu s'épanche par son Fils dans les hommes. Il les inonde de sa substance et de son être suressentiel, qui les noie, les perd, les abîme, quand ils sont disposés à se laisser consommer en lui. Cette communion est ineffable, cette nourriture est infinie. Nous ne recevons pas seulement la plénitude de la divinité, mais aussi la plénitude de Dieu fait homme. Nous ne possédons pas seulement les trésors dont jouit Dieu en lui-même, mais aussi la plénitude des trésors d'un homme Dieu, qui, dans chaque moment de sa vie, a acquis des mérites infinis, qui a reçu la plénitude des dons divins en récompense de chacune de ses pensées, de ses paroles, de ses actions et de ses souffrances, en sorte qu'il possède des richesses inconcevables, et une plénitude de Dieu tout à fait incompréhensible. Or il nous communique au Saint-Sacrement tous les fruits de ses peines et de ses travaux. Remerciements à Jésus. Notre nourriture dans le Très-Saint-Sacrement. Ô adorable Jésus, vous vous donnez à nous en tout ce que vous êtes, pour devenir notre nourriture. N'est-ce pas le dernier terme où peut aller l'excès de votre amour ? Je reçois la plénitude d'un Dieu en son essence et en ses personnes. Je reçois la plénitude d'un Dieu et tous les trésors qu'il a acquis dans son humanité. Quels effets puissants ne devriez-vous pas faire en mon cœur ? Faut-il être nourri d'un Dieu, sans porter en soi une vive expression des mœurs et des sentiments d'un Dieu ? Faut-il être si souvent rassasié de Jésus-Christ, sans avoir rien en soi de son esprit ? Quoi, adorable tout, la viande animale sera plus puissante que vous. Elle communiquera à nos corps ses bonnes et ses mauvaises qualités, et votre chair, et votre précieux sang, et toutes vos grâces, et la présence d'un Dieu en trois personnes, ne ferait pas d'impression sur nos âmes. Seigneur, le moyen d'avoir en soi tant de trésors, toute cette essence, toute cette trinité adorable est de n'être pas transformée en vous, ô mon âme. Combien nous devons encore grandir, puisque nous avons pour aliment toute la substance d'un Dieu. Nous pouvons rafraîchir les ardeurs de notre chair, puisque nous avons à boire de tout l'océan de la divinité. Nageons en cet abîme, buvons à la source de tout bien, enivrons-nous de délices, remplissons-nous de cette divine nourriture, et vivons ici-bas de la vie des bienheureux. Ô vie divine, ô nourriture éternelle, Quelle magnificence! Qui aurait jamais conçu qu'un dieu eût préparé ce divin aliment à ses créatures, et qu'il eût voulu, dès ici-bas, remplir des hommes, grossiers, terrestres, charnels, pécheurs, d'une vie pure, sainte, divine, de la vie même des bienheureux, de la vie qu'il répand en son Fils de toute éternité. Aliment adorable, celui qui te possède n'a-t-il pas tout, n'a-t-il pas tout ce qui rend heureux les saints et la divine Trinité elle-même? Ô mon Jésus, avec vous, je ne veux rien, et sans vous je n'ai rien. Avec vous je possède tout, le ciel ne me donne plus d'envie, puisqu'avec vous le paradis vient en moi. Je ne veux donc rien hors de vous, ô mon bien-aimé et ma béatitude. Si je désire quelque chose avec Jésus-Christ en ce divin sacrement, je cesse de croire, je suis insatiable et je ne sais plus la valeur d'un Dieu. Rien, ô mon Jésus, avec vous, vous avez tout en vous, avec vous, je suis trop heureux. Quand je ne vous aurai reçu qu'une fois, ne serait-ce pas un trop grand bonheur? Quand je ne vous recevrai jamais, ne serait-ce pas trop de gloire que d'être admis en votre présence? Et quand, pour récompense de tous les travaux imaginables, je ne vous posséderai qu'une seule fois, ne serait-ce pas une faveur au-delà de toute attente et de tout mérite? Ceux qui ne vous désirent pas, ô mon Dieu, ne vous connaissent pas, ils ne savent ce que vous êtes. Qu'à jamais je loue votre bonté, qu'à jamais je vous conjure de la faire connaître, il n'y a rien qui lui soit comparable. Jésus abaissé et caché au Saint-Sacrement. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a voulu se servir de la petitesse, pour montrer clairement que sa main seule avait entrepris l'édification de son Église. Je viens d'apprendre en l'oraison une vérité qui m'a été confirmée à la Sainte Messe, c'est que notre Seigneur est le sacrement de Dieu. Dieu s'est caché en lui pour se répandre dans les âmes, de même que dans les sacrements qu'il a institués, notre Seigneur se sert du pain, de l'eau, du vin, de l'huile pour se communiquer à elle. Dieu a imbu et embaumé la sainte humanité de sa divine onction. En elle réside la plénitude de la divinité, comme sont cachées sous les espèces du pain et du vin la personne et toute la nature de notre Seigneur. Le sacrement de nos autels est ainsi un double sacrement, un sacrement de Dieu et un sacrement de Jésus-Christ. Il est sacrement de Dieu, en tant qu'il contient la sainte humanité du Sauveur, sous laquelle Dieu est caché, il est sacrement de Jésus-Christ, en tant que sous les accidents du pain et du vin, il contient son corps et son sang. Chose bien digne de remarque, Dieu s'est servi de l'extérieur humble et petit de son divin Fils, pour se réconcilier le monde, le convertir et l'attirer à soi. Il s'est servi de ses prédications familières, de ses persécutions, de la croix, et, après sa mort, de la folie de ses maximes, de la faiblesse de ses apôtres et de leur ignorance pour abattre la sagesse du monde et l'orgueil du démon. Il entre dans ses desseins de paraître en tout l'auteur de son ouvrage, et de ne pas permettre que son Fils même, cet instrument si saint, si parfait, si divin, lui dérobe rien de sa gloire. Il a voulu, pour cet effet, que notre Rédempteur parût réduit à un tel point d'infirmité et de petitesse, que le monde ne pût pas le juger, par son état, auteur de la conversion de toute la terre. J'ai appris aujourd'hui à la Sainte Messe pourquoi Dieu avait voulu que notre Seigneur fût caché au Saint-Sacrement sous les espèces du pain et du vin, c'est parce que, s'il venait apparaître dans l'état de gloire et de grandeur, de vertu et de force qu'il emprunte de son Père en sa résurrection, la créature lui attribuerait les effets qu'il produit par la vertu de Dieu. Il se cache sous ses viles apparences, afin qu'on ne lui attribue rien de ce qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu est jaloux d'être seul honoré en ces trois personnes, et la nature étrangère qu'il a mise au Verbe, quelque parfaite et quelque élevée qu'elle soit, ne lui ravira rien de sa gloire. On voit par là combien Dieu est attentif à ce que la créature ne lui dérobe rien de ses droits. À quelque état qu'elle soit parvenue, il veut qu'elle lui rapporte tout l'honneur qu'elle pourrait recevoir pour ses dons. Il en est l'auteur, et seul il mérite d'en être glorifié. Nous ne les avons reçus que comme des suppléments de nos misères, et des aumônes nécessitées par nos besoins. Un laquais pris à l'hôpital et revêtu des livrées de son maître devient quelquefois si insolent qu'il ne veut plus le suivre et refuse de lui céder l'honneur auquel il a droit. C'est un orgueil et une ingratitude intolérable. Or tel est bien plus grand encore sans comparaison, et le crime de l'âme qui se glorifie des dons de Dieu. Notre Seigneur tient une conduite tout opposée. Il ne voulait pas même, pendant sa vie, qu'on lui attribuât la bonté, « Ne me louez point, disait-il à ceux qui l'appelaient bon, il n'y a de bonté et de perfection qu'en Dieu. » Matthieu 19, 17. N'arrêtez pas vos yeux sur moi, ne me regardez pas comme auteur des biens que j'ai reçus de sa main libérale, c'est lui seul qui mérite d'être glorifié. C'est donc pour nous avertir de nous humilier d'autant plus que nous sommes plus élevés en dignité et plus favorisés des dons de Dieu, que notre Seigneur s'est fait extérieurement si petit et si méprisable dans le Saint-Sacrement, c'est aussi pour exercer notre foi. Eucharistie, mystère de foi. Il n'est pas croyable combien de merveilles sont renfermées dans cet auguste mystère. C'est par excellence un mystère de foi, il est le plus caché de tous. Qui aurait pensé que, sous ces apparences du pain, se trouve contenu un Dieu subsistant en trois personnes? Qui aurait pensé que le Fils de Dieu est renfermé, avec cette majesté dont tout le monde sera un jour ébloui? Qui aurait pensé que tous les anges l'adorent sous ses accidents comme dans le ciel? Qui aurait pensé que tous les saints, consommés en Jésus-Christ, sont là, formant avec lui une seule hostie de louange à la gloire de Dieu? Qui aurait pensé que le Fils du Père éternel y demeure avec l'esprit de ses divins mystères, pour le communiquer aux hommes, et emporter la grâce dans tous les cœurs? Qui aurait cru que ce pain est la nourriture de tous les saints du ciel, qu'il est le pain des anges dont ils ne seront jamais rassasiés, au prodige de puissance de mon Dieu? Prodige de sa magnificence, quelle satisfaction j'éprouve lorsque je vois ces merveilles! Quand on connaît les grands effets opérés par des choses si viles en apparence, aussitôt, ô mon Dieu, on vous loue, on vous glorifie, on confesse que vous en êtes le seul auteur. Continuez, Seigneur, à opérer vos merveilles par ces causes si cachées, puisqu'elles sont si glorieuses pour vous. Les anéantissements de Jésus au Saint-Sacrement. Notre Seigneur s'est abaissé dans le Saint-Sacrement, pour honorer sans cesse la majesté de son Père. Par cet anéantissement, si propre à faire ressortir la grandeur de l'Être suprême, il lui rend hommage, il confesse par son extérieur, aussi bien que par les sentiments de son cœur, qu'il est, en son humanité, un pur néant aussi bien que tous les autres hommes. Il a trouvé cette aimable invention pour s'abaisser jusqu'à la fin du monde, même dans l'état de sa gloire. Voulant accomplir, dans ce sacrement, les plus incompréhensibles prodiges, il veut aussi y être dans le plus profond de ses anéantissements. Il nous enseigne, par cette conduite, que jamais nous n'aurons de bénédiction ni de succès dans nos œuvres, si nous ne sommes fidèles à nous humilier. Il nous apprend à soupirer après la vie cachée, qui est la propre vie des chrétiens sur la terre, et à n'en point désirer d'autre en ce monde, puisque, tout glorieux qu'il est, il ne veut point en avoir d'autre parmi nous. Il opère selon l'état où il est, faisant dans le ciel, avec tous les saints, un corps de beauté, de splendeur et de gloire, il y est dans l'état de sa majesté, pour le communiquer à tous ses membres. Voulant faire, sur la terre, de tous les chrétiens un corps humilié et anéanti, il est convenable que lui-même se tienne anéanti, en qualité de leur chef, comme c'est par le Saint-Sacrement qu'il veut remplir son Église de son esprit, il n'y paraît pas dans sa majesté et dans sa gloire. Ainsi, au lieu de donner aux chrétiens l'amour des grandeurs vers lesquelles ils n'ont que trop de pente, il confond au contraire étrangement l'orgueil des mondains, qui mettent tout leur bonheur dans l'élévation. Ici le roi des rois met tout son bonheur dans les abaissements. C'est un moyen bien doux et bien puissant pour nous faire aimer notre néant, que de nous montrer dans l'anéantissement la source de toutes les grâces, et de plus la voie même par laquelle elles nous sont communiquées. Il mérite donc en cet état tout notre amour et toute notre reconnaissance, puisqu'il s'y est mis pour remédier à notre orgueil, pour rendre à Dieu la gloire que nous lui avons dérobée, pour étouffer ses désirs d'élévation qui nous perdent, pour nous donner une grâce puissante qui nous soutienne dans l'état d'humiliation où il nous souhaite. Il faut être fidèle à entrer dans ses desseins. Si nous voulons qu'il s'établisse dans nos cœurs aussi véritablement qu'il est au Saint-Sacrement, tenons ses dons cachés, ne faisons rien paraître de ce qu'il opère en nous et par nous, comme lui-même tient caché tout ce qu'il est et tout ce qu'il opère dans ce mystère. Admirables effets de l'Eucharistie. Les grands effets de grâce s'opèrent par le Saint-Sacrement, c'est là que se distribuent les faveurs de Dieu les plus insignes, c'est là que Dieu se donne lui-même tout entier et sans réserve, c'est par là que tout le monde se convertit. Qui croirait qu'un moyen si simple en apparence pût réformer l'Église? C'est pourtant par l'Eucharistie que Dieu renouvelle toute la vieille créature. C'est par elle qu'il convertit les hommes, en son état de vie nouvelle, et de résurrection, et les amène à cet état d'homme, parfait, auquel il les a destinés de toute éternité. Aujourd'hui à la Sainte Messe la bonté de mon Jésus a été grande sur moi, il m'a fait éprouver, dans la Sainte Communion, une union si intime avec lui, qu'il m'est impossible de rien voir et de rien sentir en moi qui ne soit lui. Cela vient de la pureté de cet être divin, il est au milieu des créatures plus qu'elles ne sont en elles-mêmes. Il se communique en ce sacrement, par un épanchement d'amour dont la connaissance est réservée au ciel, selon cette parole, « En ce jour vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Jean 14, 20. Dieu soit béni à jamais de ses bontés ineffables et de ses adorables communications. Elles devraient nous faire fondre d'amour, nous transporter, nous consommer en lui et nous inspirer ses sentiments, ses mouvements et ses dispositions. Jésus notre adorable tout veut être tout en tous dans la Sainte Communion, comme son Père est tout en tous dans le ciel. Ah! Qu'heureuse est l'âme qui s'abandonne à ce feu dévorant caché sous les saintes espèces. Bientôt elle se verra séparée des attaches impures de la chair et de ses inclinations perverses, dégoûtée de ce que les sens lui montraient d'agréable, soupirant après Dieu, le ciel, et l'éloignement des créatures, animée enfin des désirs de Jésus-Christ ressuscité, tel qu'il est au Saint-Sacrement. Elle se croira étrangère à ce monde, elle sentira que sa demeure est dans le ciel, sa vraie patrie, et que cette terre est pour elle un lieu d'exil. Cet heureux état est l'effet de sa transformation en Jésus-Christ par la communion. Visite au très saint sacrement. Une des grandes joies que l'on puisse donner au Père éternel, est de visiter son Fils, de l'adorer et de lui tenir une fidèle compagnie. L'ayant fait le chef de l'Église et de tous les prédestinés, son grand désir est qu'il soit connu et respecté par toute la terre. L'amour du Père et du Fils est réciproque. Comme le Fils demande continuellement la sanctification du nom de son Père, le Père désire procurer au Fils toute la gloire possible. Si les membres doivent être avec leur chef, il n'y a point de lieu où les chrétiens doivent se trouver plus assidûment que dans les églises, où repose notre Seigneur. Il faut que notre cœur soit tout et notre trésor, c'est-à-dire auprès du Saint-Sacrement, qui renferme tout le trésor des fidèles. Dans cette vue, nous devons nous unir aux anges adorateurs et entrer dans leur religion. Les paroles du prophète, que tous les anges l'adorent, psaume 96, 7, ne s'entendent pas seulement du commandement fait aux anges de rendre leur devoir au Verbe incarné dans les chastes entrailles de Marie, mais aussi de celui que Dieu leur fait de lui rendre leurs hommages dans les sacrés abaissements où il se réduit sur nos autels. Comme Dieu désire d'autant plus glorifier son Fils qu'il s'anéantit plus profondément pour son amour, il ne manque pas d'envoyer un grand nombre d'anges pour l'honorer dans cet état, où si peu d'hommes le visitent comme ils le doivent. Dans le paradis, Jésus-Christ fait tous les frais du festin des élus. Il les attire après la mort, avec une telle force qu'ils ne sauraient s'empêcher d'aller à lui, quand ils ont la pureté nécessaire pour y avoir accès. Il remplit leurs âmes de torrents de volupté, ils n'ont qu'à souffrir l'opération de Dieu, et s'ils agissent, quand ils aiment, c'est par nécessité absolue. Mais sur la terre, il n'en est pas de même. À la vérité, il nous appelle à lui, et nous attire à le venir adorer, il nous donne la force de le faire, si nous voulons, mais il ne nous en impose pas la nécessité. Nous avons la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. Y étant, il nous est encore libre de lui rendre nos devoirs, ou de ne pas les lui rendre. Il le permet ainsi pour éprouver notre dévouement, afin que si nous sommes fidèles en cette vie, il nous met à même de l'aimer en l'autre. Mais ici-bas, comme au ciel, il est plein de grâce et de vérité, accomplissant la parole par laquelle il s'est engagé à soulager ceux qui viendraient à lui, de grâce, puisqu'il en remplit les âmes selon leurs capacités. Si l'on voit les chrétiens de nos jours si faibles dans la vie divine et si pauvres de vertu, il ne faut pas en chercher d'autre raison que leur négligence à s'approcher de Jésus dans le Saint-Sacrement, puisqu'il réside dans nos tabernacles pour nous communiquer abondamment ses grâces, il faut nous en approcher pour nous enrichir. Il y opère les mêmes effets que dans la crèche, Dieu y reçoit une grande gloire, et les hommes, de bonne volonté y sont comblés d'une grande paix. N'est-ce pas une chose honteuse qu'après avoir attiré, dans l'infirmité de son enfance, les mages et les pasteurs, il ne puisse pas attirer à lui ses propres enfants, qui n'ont que quelques pas à faire pour venir l'adorer? L'exemple de ces rois sera le sujet d'une terrible condamnation pour beaucoup de chrétiens. À la vue d'une étoile, ils ont quitté leurs biens, leur royaume, leurs parents, toutes choses, pour venir à Jésus qu'ils ne connaissaient pas, et des chrétiens éclairés des lumières de la foi qui ne peut les tromper, ne veulent pas quitter la moindre compagnie, se priver de la moindre satisfaction, souffrir la plus légère peine, pour venir adorer leur maître, leur roi, leur seigneur et leur Dieu. Ceux qui négligent de lui rendre ses devoirs méritent qu'un jour, lorsqu'ils seront dans le purgatoire, Dieu n'écoute pas leur voix et n'ait pas égard à leur désir d'être unis à lui, puisqu'en cette vie ils n'ont pas voulu écouter Jésus-Christ qui les appelait auprès de son tabernacle pour recevoir leur visite et s'unir à eux. Il me semble que les personnes destinées à servir Jésus-Christ au Saint-Sacrement doivent être très assidues auprès de lui, et venir épuiser de nouvelles forces après leurs travaux et après les services qu'elles auront rendus aux prochains. Quand elles seront cassées de vieillesse, elles devront venir se reposer à l'ombre des autels, y adorer notre Seigneur et s'y consommer auprès de lui. Visite du Très-Saint-Sacrement pendant les voyages. Ordinairement, quand il y a deux chemins pour aller en un lieu où j'ai affaire, je passe par les rues où il a le plus d'églises, afin d'être toujours plus proche du Saint-Sacrement. Je suis heureux quand je vois un lieu où repose mon maître, j'en ressens des joies non pareilles. Je dis en mon cœur, vous êtes là, mon tout, soyez à jamais adorés par les anges, je me réjouis tant de les voir auprès de vous. Voyant, un jour, qu'on rapportait notre Seigneur, après avoir administré un malade, je me suis trouvé tout anéanti, le sentant auprès de moi. En entrant dans les villes et les villages, et aussi en sortant, il me faut aller à l'église saluer le Saint-Sacrement et je suis toujours bien reçu. Si je passe auprès d'une église, je salue doucement et humblement mon divin Sauveur, par l'effet d'un mouvement intérieur dont la cause n'est pas en moi. Dans ces visites offrons à Dieu toutes les louanges que Jésus-Christ rend à son Père, et disons avec les anges de l'Apocalypse, Amen, ainsi soit-il, je consens, ô mon Jésus, à tous les devoirs que vous rendez en ce lieu à votre Père, faites-nous y participer, s'il vous plaît, par votre miséricorde. L'amour pour notre Seigneur doit nous obliger à l'adorer encore pour ceux qui ne lui rendent pas leur devoir. Il ne faut pas qu'il perde rien de la gloire et des hommages qu'il attend de ceux au milieu desquels il réside sur nos autels. Je me souviens que, lorsque je revenais de la campagne, j'allais saluer notre Seigneur à Notre-Dame. Quand il était tard et que je trouvais les portes fermées, je me consolais en regardant au-dedans, par les fentes. Voyant les lampes allumées, je disais, hélas, que, vous êtes heureuse de vous consumer toutes à la gloire de Dieu. Ah, que, volontiers je veillerais comme une lampe ardente, et me consumerais à la gloire de mon cher maître. Désirs ardents de faire honorer notre Seigneur au très saint sacrement. Que, volontiers je veillerai devant lui comme une lampe, faisant la fonction de Saint Jean-Baptiste, qui était un flambeau ardent et brillant. Que de fois j'ai désiré porter la clochette devant notre Seigneur, quand il va visiter les malades. J'estime cet emploi très honorable, il reproduit celui de Saint Jean, qui allait devant le Fils de Dieu pour préparer ses voies et le faire honorer. Il était la voix de la parole. Pour moi, j'ai toujours eu le désir de faire connaître notre Seigneur, surtout au Saint-Sacrement, c'est l'obligation des prêtres. Une des raisons qui me porta à la fondation du séminaire fut une lumière dont je fus éclairé dans l'oraison. Je voyais qu'il fallait former des prêtres pleins de zèle pour inspirer partout la dévotion au Saint-Sacrement. Il me fut mis devant les yeux un homme, qui serait aux pieds de notre Seigneur, pendant que des prêtres, formés et instruits par lui, iraient partout répandre cette dévotion. Je voyais un homme devant Dieu et des prêtres de feu grimpant sur les montagnes et portant jusque dans les lieux les plus pauvres la piété envers la Sainte Eucharistie. Le père de Condran me recommandait d'avoir une grande dévotion à cet ange de l'Apocalypse qui, vers les derniers temps de l'Église, prend sur l'autel le feu du ciel avec son encensoir et le répand sur la terre. Il croyait voir en cet ange la figure d'un prêtre qui donnerait à l'Église l'amour du très saint sacrement, et il souhaitait beaucoup que je travaillasse à répandre cette dévotion. Quand je pense que je pourrais avoir 1000 sujets pour faire aimer et honorer partout Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, quand je pense que la cure qu'on me présente pourra servir à en inspirer le zèle à Paris et à toute la France, Je suis ravi de joie et je brûle du désir de faire glorifier mon maître, surtout en ce mystère, où il a été si méprisé. Il y a longtemps que je me disais en pensant à cette cure, si jamais j'étais là, je ferais beaucoup honorer le Saint-Sacrement de l'autel, je m'abandonnerais tout entier à son service. Comme je craignais un jour de n'être pas trouvé digne de continuer le travail où la bonté de Dieu m'appelle, il lui a plu de me dire, « Laisse-toi, pense à moi et tu feras tout ce à quoi je t'appelle. » Je fus aussitôt mis en repos et transporté hors de moi-même. Je demandais, avec de grandes instances, d'avoir des sujets à envoyer partout le monde pour faire connaître notre Seigneur au Saint-Sacrement, et accomplir ce que j'aurais voulu faire par moi-même. J'espère, par le moyen de nos jeunes ecclésiastiques, répandre dans tous les cœurs la dévotion à cet auguste mystère. Le monde me tue quand je le vois dans la vanité, quand je considère qu'il ne pense ni à Dieu ni à son Fils résidant au milieu de nous, mais qu'il s'égare et s'occupe misérablement dans l'inutilité et dans le péché. Réparation d'un sacrilège commis contre le Saint-Sacrement. Ces jours derniers, notre adorable maître a bien voulu souffrir l'attentat de 12 voleurs, qui ont porté sur le Saint-Ciboire leurs mains sacrilèges, et ont jeté par terre son corps sacré. C'est ce qui a donné à 12 personnes la dévotion de s'allier ensemble, pour réparer ce crime abominable. Elles se sont associées à 12 autres, pour entrer dans le respect et la religion des 24 vieillards de l'Apocalypse, qui adorent Jésus-Christ dans le ciel. Ces 24 personnes se partagent les 24 heures du jour. Chacune se tiendra une heure devant le très auguste sacrement de l'autel. Elles seront ainsi en adoration perpétuelle, aux pieds de notre Seigneur, et, en leur pauvre manière, elles honoreront Dieu sur la terre comme il est éternellement honoré dans les cieux. Ces 24 personnes n'auront pas pour unique fin de réparer l'injure faite à Jésus-Christ, dans l'église de Saint-Sulpice, ni même les autres outrages commis extérieurement contre lui, mais encore tant de crimes et de sacrilèges dont se souillent intérieurement les âmes. Ces adorateurs se consacreront à Jésus, comme des victimes, afin de faire une amende honorable perpétuelle pour tous les péchés commis contre le Saint-Sacrement, soit par les hérétiques, soit par les mauvais catholiques. Les plaies que font ces derniers sont les plus sensibles au divin maître. Il s'en plaint par ses paroles qui s'appliquent d'abord au premier des sacrilèges. « J'ai reçu ces blessures dans la maison de ceux qui m'aimaient. » Zacharie 13, 6. Tous peuvent être admis dans cette association. Chacun prend une des 24 heures, se joignant à une des 24 premières personnes, pour entrer en sa dévotion, et suppléer aussi par ce moyen à celle qui par infirmité ou nécessité ne pourrait être extérieurement présente devant les saints autels.